Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Abraham Lincoln et la question de l'esclavage. C'était pas un abolitionniste, mais c'était un réaliste. Il se rendait bien compte que l'esclavage n'était plus, ne répondait plus aux besoins de l'économie moderne. Il aurait favorisé une libération graduelle. Il prévoyait même un demi-siècle, libération dont auraient pris l'initiative les États eux-mêmes, puisque c'était un domaine qui relevait des États, mais avec une aide financière du fédéral pour indemniser les propriétaires. Abraham Lincoln est passé à l'histoire comme le président ayant aboli l'esclavage aux États-Unis, mais dans les faits, la position de Lincoln va évoluer au fil du temps et en fonction du contexte politique. C'est pourquoi l'historien Michel Brunet, qu'on vient d'entendre dans cet extrait d'entrevue qui date de 1963, parle de Lincoln comme d'un réaliste avant d'être un abolitionniste. Le Congrès ne doit jamais déclarer égaux ce que Dieu a créé inégaux. Tu veux essayer de faire passer l'amendement pour abolir l'esclavage. Personne n'est aimé autant que toi par son peuple. Ne gâche pas ce pouvoir. Et le 1er février prochain, j'ai l'intention de signer le 13e amendement. Un combat comme celui-ci, c'est un combat à mort. Ces sudistes viennent nous proposer la paix. L'abolition de l'esclavage règle le sort non seulement de millions d'hommes en servitude, mais aussi de millions qui pourront être libres. C'est soit l'amendement, soit la paix avec les confédérés. On ne peut pas avoir les deux. L'esclavage, monsieur, c'est fini. Et même si tous les républicains de la Chambre votent oui, il nous manquerait toujours 20 voix. Seulement 20 ? L'esclavage est la seule insulte aux lois de la nature. Même un bon à rien, un vaurien comme vous, devrait être traité à égalité devant la loi. Ces votes doivent absolument être obtenus. Ah, les représentants sont pas très chers. 2 000 $ vous achètent ce que vous voulez. On ne peut pas acheter des votes. Je vous laisse réfléchir. Pensez à tous les fils qui vont mourir si vous ne faites pas la paix. Je ne peux mettre fin à cette guerre tant que nous ne serons pas guéris de l'esclavage. Cet amendement est cette guérison. On a besoin de 2 oui. Foutez-moi le camp et obtenez-les. Mais comment ? Je suis le président des États-Unis dotés d'immenses pouvoirs. Vous allez me procurer ces votes. La bande-annonce du film Lincoln, réalisé par Steven Spielberg en 2012, on comprend bien, en écoutant cette bande-annonce, la complexité de la question de l'abolition de l'esclavage pour Abraham Lincoln. Quelle était la position d'Abraham Lincoln sur cette question de l'esclavage? Comment va évoluer cette position? Qu'est-ce qui le poussera finalement à déclarer l'abolition de l'esclavage? L'historien André Champagne est avec nous pour nous en parler. André, c'est vrai que la position de Lincoln, il est passé, je le disais, à l'histoire comme le président. Le grand émancipateur. Voilà. Mais c'est plus compliqué que ça. Sa position va vraiment évoluer. Oui, pendant sa présidence. Mais d'entrée de jeu, je dois dire que Lincoln a toujours condamné moralement l'esclavage. Pour lui, c'était une question de principe. Un homme n'avait pas le droit d'être propriétaire d'un autre homme. Oui. Cependant, une fois qu'on a dit ça, il faut avoir à l'esprit que pour Lincoln, en américain du milieu du 19e siècle, pour lui, le problème était relativement simple. Le tort, le mal que les Américains avaient fait aux Noirs depuis leur arrivée au 17e siècle, donc l'esclavage, faisait en sorte que jamais les Noirs, selon lui, ne pourraient pardonner ça aux Blancs. Et conséquemment, il préférait, lui, adopter ce qu'on avait déjà appelé la politique de colonisation, c'est-à-dire oui, de retourner, de déporter les Noirs, soit vers l'Afrique, soit vers Haïti, mm-hmm, Saint-Domingue, ou encore même en Amérique centrale. Vous rejoignez, donc, puis on va y venir dans un instant, opposition de principe déjà assez jeune, mais après ça, il y aura toutes les circonstances politiques qui vont le mener à une certaine ambiguïté, en fait, à modifier sa position. Mais ce que j'allais dire, c'est que vous confirmez ce que Michel Brunet, qu'on vient d'entendre et que vous connaissez bien, oui, disait. Lincoln, c'est d'abord un pragmatique, un réaliste, l'homme du milieu du 19e siècle, avant d'être un pur abolitionniste, un grand défenseur de principes. Parlons-en de l'époque, c'est important, du jeune Lincoln. Pour mieux comprendre, au fond, comment va évoluer sa pensée, il naît quoi, en 1809 au Kentucky? En 1809 au Kentucky. C'est un self-made man. Son père est un pionnier, un agriculteur qui a la bougeotte, qui se déplace constamment et qui croit, lui, aux vertus du travail. Le jeune Lincoln a appris à lire et à écrire grâce à sa belle-mère, la deuxième épouse de son mari, qui lui a appris à lire et à écrire. Il lisait la Bible, il lisait les œuvres de Shakespeare et son père trouvait que qu'il passait trop de temps à la lecture et qu'il ne l'aidait pas suffisamment sur la ferme. Ouais. Donc, c'est un autodidacte, Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln, c'est un homme qui va se déplacer, si vous voulez. 1816 à 1830, il va vivre en Indiana. En 1830, son père s'installe en Illinois. À l'âge de 22 ans, il quitte le foyer, il s'établit à New Salem, en Illinois. Ouais. Et il va prendre des cours de droit par correspondance. Il va apprendre le droit en autodidacte, ouais. Mais parallèlement à ses études de droit, il sera, écoutez bien, là, il sera commis de magasin, propriétaire de magasin général, meunier, receveur des postes. C'est un homme à tout faire, mais une fois qu'il est admis au barreau de l'Illinois, là, il va participer à ce qu'on appelait la cour itinérante. Donc, parce que la cour se déplaçait d'une ville à une autre. Ouais. Donc, il va se faire un réseau de clients, mais également, il va se constituer une espèce de public politique. Pourquoi? Parce qu'Abraham Lincoln, bon, il mesurait plus de 6 pieds 4, ce qui était très grand pour l'époque, mais on l'a surnommé Honest Abe. Abraham, l'homme honnête. Et c'est un homme qui était reconnu comme un avocat, un homme vraiment droit, juste, incorruptible. Et à travers sa profession d'avocat, il devient un homme tout à fait crédible. Oui. Et il va éventuellement, évidemment, s'engager en politique. Le contact, la prise de contact d'Abraham Lincoln avec cette réalité de l'esclavage, elle arrivera assez tôt. Je vous propose là-dessus un extrait d'un film, Le vrai visage de Lincoln, qui est réalisé, en fait, c'est une émission qui est produite aux États-Unis en 1955 par le Service d'information des États-Unis et qui décrit un petit peu comment Lincoln, le jeune Lincoln, réalise ce qui se passe pour les Noirs et ce que ça provoque chez lui. La descente du Mississippi fut une révélation pour le jeune Lincoln. Au terme de son voyage, il s'installa dans une pension de famille face à un marché aux esclaves. Déjà, Lincoln avait entendu discuter de l'esclavage, mais jamais il n'avait eu l'occasion d'en voir la pire apparence. Hommes et femmes vendus comme du bétail. On prétend qu'il s'écria alors « Je lutterai contre ça si j'en ai l'occasion ». Il ignorait encore qu'il serait un jour un émancipateur de la condition humaine. Alors, prise de conscience qui arrive assez jeune, assez tôt pour Lincoln, sur la question de l'esclavage. Parce que, entre 1828 et 1831, à ce moment-là, il fait des voyages en bateau. Si vous voulez, de l'Illinois, il se rend jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc, il descend l'Ohio, il descend le Mississippi, et vraisemblablement qu'il aurait assisté à la Nouvelle-Orléans à des ventes d'esclaves. Mm-hmm. Et le long des rives du Mississippi, il y avait évidemment des plantations où on retrouvait des esclaves, et malheureusement pour lui, il a assisté à des spectacles assez horribles où il voyait des Noirs qui étaient traînés et enchaînés. Il voyait des maîtres qui fouettaient les Noirs. Mais ce qui l'a sensibilisé, c'est d'assister à des ventes d'esclaves. Ouais. Et de voir qu'on traitait, on traitait les Noirs comme ni plus ni moins que comme du bétail. Et tous les historiens qui ont vraiment étudié sa prise de conscience vis-à-vis de l'esclavage disent que c'est le point tournant dans sa vie. Ouais. Il commence publiquement, pour ce qu'on en sait, André Champagne, quand est-ce qu'il en parle publiquement pour la première fois de cette question de l'esclavage, qu'il prend position? Dans les années 1850. Ouais. Ce sera en 1854 qu'il aurait eu sa première prise de position, bien qu'il ait été représentant de l'Illinois à la Chambre des représentants pendant 2 ans, de 1846 à 1848. Il n'a pas été élu en 1848 parce qu'il s'opposait à la guerre contre le Mexique. Mais à ce moment-là, la question se posait pas trop pour lui. Mais ce qui se produit, c'est que dans les années 1850, ce qu'on appelle les tenants de la slavocratie, c'est-à-dire que les grands planteurs du sud des États-Unis manquent d'espace pour leur plantation de coton et souhaiteraient que l'esclavage s'étende dans les territoires à l'ouest du Mississippi. Alors qu'au même moment, vous avez les industriels du nord et qui, eux, préférerait que tout le territoire situé à l'ouest soit déclaré territoire où il n'y a pas de l'esclavage. Et en 1854, on remet en question le fameux compromis du Missouri de 1820, parce qu'en 1820, le Congrès s'est entendu pour qu'à chaque fois qu'un État entrait dans l'Union, il fallait qu'il y en ait un qui soit pro-esclavagiste et un autre qui soit non-esclavagiste. C'est ce qu'on appelle le compromis du Missouri. Le compromis du Missouri est remis en question en 1854 parce qu'on appelle la loi du Kansas-Nebraska qui autorise les États eux-mêmes, les électeurs d'un État, à décider s'il y aura ou pas esclavage. Et à partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte vers l'extension de l'esclavage sur tout le territoire situé à l'Ouest. Et ça envenime ce qu'on appelle le maudit problème issu de la Constitution de 1787, où on n'avait pas réglé la question de l'esclavage. Et à partir de ce moment-là, on voit la tension s'accroître entre les États industriels du Nord qui refusent l'extension de l'esclavage vers l'Ouest et les États du Sud qui, eux, veulent l'extension. Et c'est là où Lincoln, donc, dans ce contexte-là, va dire publiquement non, je suis contre. Pour les nouveaux États, il ne faut pas qu'il y ait d'esclavage. Il est contre l'extension. Pourquoi? Parce qu'en 1854, c'est l'année où est créé un nouveau parti qu'on appelle le Parti républicain. Et le Parti républicain n'est pas un parti anti-esclavagiste. C'est pas un parti qui est abolitionniste. Ce que le Parti républicain souhaite, c'est que les territoires à l'Ouest ne soient pas accessibles à l'esclavage. Mais il n'est pas question dans la plateforme républicaine en 1854, pas plus qu'en 1860, d'abolir l'esclavage dans les États où il existe déjà. Donc, on stoppe. L'idée, c'est qu'il n'y en aura plus ailleurs. D'arrêter la progression, exactement. Ce qui est déjà énorme, c'est le Parti républicain donc qui décidera que ce sera Abraham Lincoln, le candidat à la présidentielle de 1860. Il est élu président avec la position que vous venez de nous rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut revenir, si vous permettez, je vais revenir à l'élection sénatoriale de l'Illinois de 1858. Oui. Lors de cette élection-là, il y a eu une série de débats entre Lincoln, candidat républicain, et c'était Stephen Douglas, candidat démocrate, où ils ont débattu la question de l'esclavage lors de 7 débats qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire américain. Parce que c'est chaud, là. On est dans le contexte que vous venez de décrire. Et c'est lors de ces débats-là, justement, que Lincoln s'est fait remarquer. Mais lors de ces débats-là, on peut apprécier l'espèce d'ambiguïté qu'il y a chez Lincoln à propos de l'esclavage. Parce que dans un des discours, Lincoln prendra une position quand même assez étonnante. Et là, je dois le citer. Ça, c'est à Charleston, donc le 18 septembre 1858. Il dit ceci. « Je dirais donc que je ne suis pas et que je n'ai jamais été en faveur de l'égalité politique et sociale de la race noire et de la race blanche, que je ne veux pas et que je n'ai jamais voulu que les Noirs deviennent jurés ou électeurs ou qu'ils soient autorisés à détenir des charges politiques ou qu'il leur soit permis de se marier avec des Blancs. Et dans la mesure où les deux races ne peuvent vivre ainsi, il doit y avoir, tant qu'elles resteront ensemble, une position inférieure et une position supérieure. Je désire tout autant qu'un autre que la race blanche détienne la position supérieure. » Ça, c'est étonnant, André, parce qu'on l'a vu il y a quelques minutes, il est très jeune, sensibilisé à la réalité des Noirs. Il est plutôt contre l'esclavagisme. Pourquoi? Comment il faut comprendre cette déclaration-là en 1858? C'est une déclaration qui est quelque part politique. Pourquoi? Parce que oui, l'esclavage est moralement condamnable, mais il y a une réalité politique. Et économique. Soit dit en passant, les 4 millions d'esclaves qu'on a recensés aux États-Unis en 1860 représentaient en valeur marchande plus que toutes les activités ferroviaires, industrielles, manufacturières. Ouais. C'était un montant colossal. Ça fait partie du système économique. Mais au-delà de ça, c'est la crainte qu'éprouvaient les Blancs du Nord et du Sud d'avoir à vivre avec des Noirs émancipés, avec des Noirs libres. Ça, on ne le souhaitait pas ni au Sud, ni au Nord. Et pour Lincoln, la solution était très simple. Et d'ailleurs, c'est une solution qui avait été adoptée dès l'époque de Jefferson, parce que Thomas Jefferson était favorable à cette solution-là, c'était de les retourner en Afrique. Et on va développer des sociétés dites de colonisation dont l'objectif était tout simplement de retourner en Afrique ou dans les Caraïbes ou les Antilles les esclaves qui auraient été libérés. Bon, il y a l'élection donc de 1860. Ça va conduire, parce que ce sont les républicains avec la position qu'on vient de décrire qui prennent le pouvoir, ça va conduire les États du Sud à faire sécession et ça conduira donc subséquemment à cette guerre de sécession. Ça va tout changer. Ça sera crucial pour Lincoln et pour la position qu'il aura sur la question de l'esclavage. Quel sera le grand objectif, au fond, de Lincoln à ce moment-là? On écoute là-dessus l'historien André Caspi, puis on en parle tout de suite après, André Champagne. André Caspi à l'émission Au fil du temps en 1994. Ce que veut Lincoln, c'est ne pas effrayer les États esclavagistes qui ont choisi de rester dans l'Union. Alors, Lincoln, là-dessus, a une position qui n'est pas toujours très claire. Par exemple, que peut-on faire des esclaves qui fuient leur maître et qui rejoignent les armées fédérées? Est-ce qu'on les libère ou est-ce qu'on les renvoie à leur maître ? Si l'on défend la notion que l'union prime tout, il faut les renvoyer à leur maître. Mais dans ce cas, est-ce que c'est supportable sur le plan moral ? Et si d'un autre côté, on décide de les libérer, est-ce que cela ne va pas prendre l'allure d'une véritable révolution sociale ? D'autant plus que beaucoup de ceux qui habitent les États du Nord et de l'Ouest n'ont pas une sympathie débordante pour la cause des Noirs. Ils ne font pas la guerre pour cela, je le répète. Ce qui explique que Lincoln est un peu louvoyé sur ce problème. Et s'il a pris sa décision au cours de l'été 1862 pour que la proclamation d'émancipation entre en vigueur le 1er janvier suivant, c'est en tenant compte de ces différents facteurs. Et c'est ce qui explique que cette proclamation est un peu une allure hypocrite et qu'elle ne donne pas de grands résultats. Mais elle annonce quand même quelque chose. Elle annonce ce changement d'objectif et de ce point de vue-là, elle remplit un rôle essentiel. Alors, on le voit très bien en écoutant André Caspi, André Champagne. C'est compliqué pour Lincoln. Le contexte politique est très, très complexe. Et en fait, il va louvoyer, disait André Caspi, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a un objectif. Il veut avant tout préserver l'Union, mais comment ça va évoluer dans ce contexte de guerre de sécession, la position de Lincoln sur l'esclavage? Bon, en 1862, une des inquiétudes de Lincoln et de l'Union, c'est que la Grande-Bretagne et la France ne reconnaissent la Confédération des États sudistes. Il y a vraiment de 1861 jusqu'à la fin de 1862, Paris et Londres ont sérieusement envisagé cette possibilité-là. Alors, ce qui se produit... De reconnaître les États, donc, parce que ça affaiblissait ce géant économique en devenir qu'étaient les États-Unis. Alors, une des meilleures façons de prévenir cette reconnaissance diplomatique-là, c'était très simple, c'était de transformer le caractère de la guerre. Au départ, Lincoln voulait rétablir l'Union, mais à partir de l'été 1862, il se rend bien compte que il faut absolument, étant donné que les Noirs abandonnent leurs plantations et accourent vers les armées nordistes qui combattent dans le Sud, il faut tenir compte de cette réalité-là, mais il faut surtout changer le caractère de la guerre. Et à partir du moment où il annonce qu'il va émanciper les esclaves des 11 États qui ont fait sécession, parce qu'il ne s'agit que de ces 11 États-là, les esclaves de 4 autres États qui se sont déclarés neutres, eux ne sont pas concernés par l'acte d'émancipation du 1er janvier 1863. Donc, à partir du moment où les esclaves des États sécessionnistes sont émancipés, il est plus possible pour Londres et Paris de reconnaître la Confédération des États sudistes. Oui. Donc, la déclaration d'émancipation, c'est une question de principe et c'est une question stratégique, c'est une question de politique. Mm-hmm. C'est une question qui se pose étant donné l'évolution du conflit. Et c'est aussi que Lincoln a besoin, il veut gagner cette guerre et il se rend compte que la question de l'abolition devient une carte gagnante. Il se rend compte aussi que sur le terrain, il y a des esclaves noirs qui quittent les plantations, qui vont combattre dans cette guerre. Oui, parce qu'au moment de la déclaration d'émancipation, on estime qu'il y aurait entre 200 et 600 000 esclaves qui auraient déjà abandonné les plantations. Et il y a certains généraux qui se disent pourquoi ne pas les utiliser dans l'armée? Parce que c'est clair qu'on manque de combattants. La guerre est dévoreuse d'hommes. C'est une guerre qui va faire, rappelons aux auditeurs que cette guerre-là va faire 620 000 morts. Donc, à partir du moment où certains généraux proposent justement d'enrôler les esclaves qui ont fui les plantations dans l'armée nordiste, donc ça change complètement la donne. Et pour Lincoln, ce scénario-là est d'autant plus intéressant. Mais ayons à l'esprit qu'en août 1862, avant d'annoncer la déclaration d'émancipation du 1er janvier 1863, il réunit à la Maison-Blanche 5 intellectuels noirs du nord des États-Unis pour leur faire part de son projet d'émancipation. Mais il leur dit « J'ai demandé au Congrès de débloquer 20 millions de dollars pour financer votre rapatriement en Afrique. » Ça revient toujours, cette idée. Oui, ça revient tout le temps. Et il va même dire, lors de cette réunion-là, il va dire ceci, il va quand même assez loin. Pourquoi les gens d'ascendance africaine doivent-ils partir et coloniser un autre pays? Je vais vous le dire. Vous et moi appartenons à des races différentes. Il y a entre nous plus de différences qu'entre aucune autre race. Que cela soit juste ou non, je n'ai pas à en discuter. Mais cette différence physique est un grand problème pour nous. En un mot, nous souffrons des deux côtés. Si on admet cela, voilà au moins une bonne raison de nous séparer. Puis un peu plus loin, il va leur dire que s'il y a la guerre, c'est de votre faute. S'il n'y avait pas de Noirs aux États-Unis, il n'y aurait pas la guerre. Et là, on lui réplique, évidemment, nous n'avons pas demandé d'être ici. Ouais. Et donc, on voit à quel point la position de Lincoln a vraiment évolué au cours de la guerre. Mais à partir du moment où il annonce l'émancipation des esclaves des 11 États sécessionnistes en 1863, pour lui, la guerre change complètement de nature. C'est une guerre maintenant qui a pour objectif d'abolir l'esclavage. Ouais. Et jusqu'à la fin de la guerre, ça va devenir vraiment sa plus grande préoccupation. Et si on se réfère au film de Spielberg, son film porte justement sur le fameux vote qui a été pris par la Chambre des représentants le 31 janvier 1865, où c'était vraiment important pour Lincoln de rallier au moins une vingtaine de représentants démocrates pour obtenir les deux tiers du vote de la Chambre des représentants, parce que pour amender la Constitution, il fallait que le Sénat avait déjà voté en juin 1864, mais il fallait que la Chambre des représentants vote aux deux tiers ce projet d'amendement qui sera le 13e amendement. Et Lincoln va manœuvrer, va promettre toutes sortes d'emplois dans la fonction publique, va littéralement acheter une vingtaine de votes démocrates pour obtenir les deux tiers du vote. Et le film de Spielberg relate cette étape-là. Mais ce qui était... Et ça se fait donc, c'est en 1865... Le 31 janvier. Qu'est adopté ce 13e amendement. Il y a 119 représentants qui votent pour l'amendement, 56 contre. Il va payer de sa vie. Est-ce que c'est... Il sera assassiné, Lincoln. Est-ce que c'est sur cette question précise de l'abolition de l'esclavage, André, ou si c'est plus large que ça? C'est plus large que ça, parce que James Quill Booth, c'est un acteur de théâtre qui joue au Ford's Theatre de Washington. C'est l'assassin. C'est lui qui a dirigé le complot. Il avait combattu dans les armées sudistes. C'était un raciste qui n'acceptait pas l'émancipation, qui n'acceptait pas la libération et qui ne pouvait pas envisager de retourner vivre dans le Sud avec des esclaves émancipés qui auraient le droit de vote, à qui on reconnaîtrait l'égalité devant la loi. Et c'est pour toutes ces raisons-là que James Wilkes Booth a assassiné Abraham Lincoln. Mais ce qui est intéressant de voir dans le parcours de Lincoln, c'est que Lincoln, c'est un homme qui, une fois président, a évolué dans sa position. Ouais. Et ça, tous les historiens reconnaissent que ça fait partie de la grandeur du personnage, que cet homme-là a réussi vraiment à relever le défi que représentait la sécession, a maintenu l'union, mais surtout qu'il a œuvré pour réaliser ce grand projet qui était l'abolition de l'esclavage. Mais ayons toujours à l'esprit que ce n'était pas son idée initiale. Mmh. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.